Le docteur Thorne d'Anthony Trollope, troisième partie, chapitre 35e. Sir Louis dîne au manoir. Joey ne parut pas le jour suivant, et malgré ses imprécations, Sir Louis se vit condamné à l'affreuse nécessité de s'habiller seul. Puis survint une nouvelle difficulté, comment se rendre au manoir. Il semblait impossible au baronnet d'y aller à pied, quoiqu'il n'eût à traverser que le village et à suivre l'avenue. À dire vrai, il ne lui était pas facile de marcher, et il déclara positivement qu'il ne pourrait jamais se tirer d'affaire sur le sable des allées avec ses escarpins. Sa mère n'eut pas regardé aller à pied de Boxall Hill à Greshamsbury, et vice-versa. Après bien des pourparlers, l'unique voiture du village fut mise en réquisition. Quand les invités arrivèrent au manoir, il leur fut aisé de se convaincre qu'il régnait un mouvement inaccoutumé. Ils ne trouvèrent dans le salon que M. Mortimer Gazebee, qui se présenta lui-même à ces messieurs. Sir Louis, qui savait que ce n'était qu'un agent d'affaires, ne fit pas grande attention à lui, mais le docteur entra immédiatement en conversation. « Vous a-t-on dit que M. Gresham était de retour ?» lui demanda M. Gazebee. « M. Gresham ? Je ne savais pas qu'il fût absent. M. Gresham fils, je veux dire. » En effet, Frank venait d'arriver inopinément avant le dîner et se partageait en ce moment entre les sourires de son père, les caresses de sa mère et les questions de ses sœurs. « On ne l'attendait pas du tout, » reprit M. Gazebee. « Je ne sais pas pourquoi il est revenu avant l'époque fixée. Il aura trouvé qu'il faisait trop chaud à Londres, je présume. »« Pour ma part, » dit le baronnet, « je trouvais qu'il y faisait diablement chaud. Je ne comprends pas ce qui peut retenir le monde à Londres quand il y fait si chaud. » « Excepté les personnes qui restent pour affaires. Celles-là sont payées. » M. Mortimer Gazebee regarda son interlocuteur. Il gérait un domaine qui devait à Sir Louis une somme énorme. Il ne pouvait donc mépriser un pareil créancier. « Mais, pensa-t-il, s'il n'était pas baronnet, un baronnet si riche... » Le squire entra sur ses entrefaites. À la vue de son vieil ami, il ne dissimula pas sa joie. « Thorne, dit-il, « vous êtes le meilleur homme du monde. Je n'ai guère mérité cette preuve d'affection de votre part. » Le docteur ne put s'empêcher de s'applaudir d'avoir suivi les conseils de Mary lorsqu'il sentit l'étreinte affectueuse de la main du squire. « Frank est donc arrivé ?» lui dit-il. « Oui, tout à fait, inopinément. Il devait rester encore une semaine à Londres. Vous le reconnaîtriez à peine si vous le rencontriez. Sir Louis, je vous demande pardon. » Et le squire s'approcha du baronnet qui restait d'un air boudeur dans un coin du salon. Il était l'homme du rang le plus élevé de tous ceux qui étaient ou qui devaient être présents. Il s'attendait à être traité en conséquence. « Je suis charmé de faire connaissance avec vous, monsieur Gresham, » dit le baronnet, qui croyait être très poli. « Quoique nous ne nous soyons jamais rencontrés, je vois souvent votre nom sur mes comptes. » Et Sir Louis se mit à rire, comme s'il eût dit quelque chose de très spirituel. L'entrevue entre Lady Arabella et le docteur fut assez pénible pour la première, mais elle dissimula son embarras. Elle lui tendit gracieusement la main et parla du beau temps. Le docteur lui répondit sur le même ton, puis chacun d'eux continua la conversation avec son plus proche voisin. Lorsque Frank entra, le docteur le reconnut à peine. Ses cheveux avaient pris une teinte plus foncée, son teint avait bruni, mais ce qui contribuait surtout à le changer, c'était la longue barbe qui flottait sur sa cravate. Jusqu'alors, le docteur n'avait pas été grand amateur des longues barbes, mais il ne pouvait nier que cet appendice au menton n'alla fort bien à Frank. « Ah, docteur !» s'écria celui-ci, « que je suis heureux de vous trouver ici !» Et saisissant la main de son vieil ami, Frank l'entraîna dans l'embrasure d'une fenêtre. « Comment se porte Mary ? » demanda-t-il tout bas. « Que je voudrais qu'elle fût ici !» « Mais, docteur, tout s'arrangera avec le temps. Dites-moi, docteur, il n'y a pas de nouvelles ?»« Des nouvelles, quelles nouvelles ?»« Bien, bien, point de nouvelles, bonne nouvelle. Vous lui ferez mes amitiés, n'est-ce pas ?» Le docteur répondit affirmativement. Il lui paraissait évident que quelques-unes des craintes de Mary étaient mal fondées. Pendant cette année d'absence, Frank avait encore changé sous beaucoup d'autres rapports. Nous avons dit que, bien que ce ne fût qu'un adolescent à 21 ans, c'était un homme à 22, et maintenant c'était presque un homme du monde. Ses manières étaient aisées, sa voix plus sonore et en même temps plus souple. Il avait la réplique prompte et juste. Il n'était plus ni timide ni bruyant. On l'eût plutôt reproché, à première vue, de paraître trop convaincu de ses perfections. C'était, il faut en convenir, un très beau cavalier à la taille bien prise. Ah, s'il voulait seulement épouser une femme riche, se disait Lady Arabella dans son admiration maternelle. Ses sœurs se pressaient autour de lui et lui parlaient tout à la fois. Les jeunes filles sont si fières d'un pareil frère. « Vous n'allez pas manger votre potage avec cette barbe, Frank ?» dit le squire, lorsqu'ils eurent tous pris place autour de la table. Il n'avait pas cessé de plaisanter son fils sur ce mâle ornement, mais il était facile de voir qu'il était aussi fier de Frank que les autres. « Vous croyez, mon père ?» dit Frank. « Tout ce que je demande, c'est une autre serviette à chaque service. » Cette belle barbe servit encore de texte à presque toutes les plaisanteries du repas. Ne fait-elle pas un effet charmant, magnifique, patriarcal ? Dit Béatrice en se tournant vers son voisin. Patriarcal, certainement, dit M. Auriel. Je laisserais moi-même croître la mienne si je n'avais pas peur de l'archevêque. Docteur, reprit Frank, vous connaissez Wildman, du 9e d'artillerie. Il est resté 2 ans à Scutari. Eh bien, ma barbe n'est qu'un léger duvet auprès de la sienne. Elle descend jusqu'à ses talons, et il est obligé de la mettre dans un sac pendant la nuit parce que ses pieds s'embarrassent dedans quand il dort. « Oh, Frank !» dit une de ses sœurs. Tous ces bons mots amusaient le squire et sa famille, ainsi que le docteur et M. Auriel, qui tous les deux portaient le plus vif intérêt au jeune héros barbu. Mais cela n'arrangeait pas du tout Sir Louis. Il était le seul baronnet présent, et néanmoins personne ne faisait attention à lui. Il était assis à la place d'honneur, à droite de Lady Arabella, mais la grande dame elle-même semblait plus occupée de son fils que de lui. Il résolut donc de se venger de ce manque d'égard, tout en essayant d'attirer l'attention sur lui. « Êtes-vous resté longtemps à Londres cette année ? » demanda-t-il à Lady Arabella. « Non, » répondit-elle très gracieusement, « plusieurs circonstances nous ont retenus à la maison. » Sir Louis ne comprit qu'une espèce de circonstance. Pour lui, ce mot signifiait manque d'argent. « Ah, vraiment ? » dit-il. « J'en suis fâché. Cela doit être très pénible pour une personne comme vous. Mais peut-être que les finances pourront s'améliorer. » Ici, ce fut Lady Arabella qui, à son tour, eut quelque peine à comprendre. « S'améliorer ? » dit-elle de son ton d'aristocratique indifférence. Puis elle se tourna vers M. Gatsby qui était à sa gauche. Comment Sir Louis aurait-il toléré cela ? N'était-il pas le plus grand personnage de toute la société ? Il résolut de forcer Lady Arabella à se retourner de son côté. « Je crois vous avoir vu avec votre cheval aujourd'hui, » lui dit-il. Lady Arabella avait traversé le village dans sa petite voiture à poney. « Je ne monte jamais à cheval, » dit-elle en tournant un instant la tête vers le baronnet. « Dans votre voiture, je veux dire. J'étais enchanté de la manière crâne dont vous avez enlevé votre cheval en tournant le coin de la rue. » Que répondre à ce langage de palefrenier ? Lady Arabella continua sa conversation avec M. Gatsby. Sir Louis, repoussé mais non vaincu, regarda un instant son assiette, puis il reprit « Permettez-moi de boire à votre santé, Lady Arabella. » « Je ne prends jamais de vin à dîner, » dit Lady Arabella, qui trouvait son hôte insupportable et qui commençait à croire qu'elle serait obligée de sortir pour se débarrasser de lui. Le baronnet garda de nouveau le silence pendant quelques instants, mais il était bien décidé à ne pas laisser le dernier mot à Milady. « La campagne est charmante dans cette partie du comté, » dit-il enfin. « Oui, charmante, » répondit M. Gatsby en essayant de venir au secours de la maîtresse de la maison. « Je sais à peine lequel des deux je préfère, de Boxall Hill ou de Greshamsbury. Ici, vous avez plus d'arbres, plus de verdure, mais quant à l'habitation, la mienne est plus confortable. Vous reconnaîtriez à peine Boxall Hill, Lady Arabella, si vous ne l'avez pas vue depuis que mon père l'a achetée. » « Combien pensez-vous qu'il ait dépensé pour cette maison et les jardins, y compris les serres à ananas et tout le reste ?» Lady Arabella secoua la tête d'un air de doute. « Allons, devinez, Milady, » dit-il. Mais il n'était guère probable que Lady Arabella voulût rien deviner sur un semblable sujet. « Je ne devine jamais, » dit-elle d'un air dédaigneux. « Et vous, Monsieur Gatsby ? » demanda le baronnet. « Peut-être 100 000 livres sterling ?»« Comment, pour une maison ?» « Vous ne vous connaissez pas beaucoup en finance, je suppose, ni en construction, M. Gatsby. »« Pas beaucoup, » répondit M. Gatsby, « surtout lorsqu'il s'agit de résidences aussi magnifiques que Boxall Hill. »« Eh bien, Milady, si vous ne voulez pas deviner, je vais vous le dire. » Boxall Hill a coûté 22 419 livres, 4 shillings, 18 pence. J'ai tous les comptes réglés. Or, cela est une jolie somme pour une maison. » Sir Louis prononça ces paroles de manière à attirer l'attention de tous les convives. Lady Arabella baissa la tête et dit que c'était en effet une grosse somme. Monsieur Gatsby ne perdit plus un coup de dent. Le squire resta tout interdit au milieu d'une conversation avec le docteur. Monsieur Auriel lui-même cessa de chuchoter avec sa voisine, et les jeunes filles ouvrirent de grands yeux étonnés, car avant la fin de son discours, la voix de Sir Louis avait pris un diapason très élevé. « Oui, » dit Frank, « c'est une jolie somme, mais si j'avais été l'architecte, j'aurais généreusement effacé les 4 shillings 18 pence. » « Ce n'était pas un seul compte, » dit le baronnet, « mais le total de plusieurs. » Et Sir Louis, heureux de son triomphe, avala un verre de vin. Immédiatement après le dessert, Lady Arabella donna à ses filles le signal de la retraite, et les messieurs se rapprochèrent les uns des autres. Sir Louis se trouva assis près de M. Auriel et commença à faire l'agréable avec lui. « C'est une charmante fille, Miss Béatrice, charmante. » M. Auriel, homme modeste et réservé, trouva difficile de répondre en s'entendant interpeller de cette manière au sujet de sa future. « Vous autres, ministres, vous avez toujours de la chance, » continua Sir Louis. « Vous obtenez toutes les belles filles et généralement les bonnes dotes aussi. Cependant, ce n'est pas tout à fait le cas pour vous, hein ?» M. Auriel était confondu, abasourdi. Il n'avait jamais parlé à personne de la dot de Béatrice, et quand M. Gresham lui avait dit, en lui exprimant tout son regret, qu'il ne pouvait donner qu'une mince dot à sa fille, il avait immédiatement passé à un autre sujet, comme s'il eût trouvé cela peu digne d'être discuté entre lui et son futur beau-père. Questionné tout à coup sur un pareil chapitre par un homme qu'il voyait pour la première fois, il ne savait que lui répondre. Le squire a embrouillé ses affaires d'une manière incroyable, reprit Sir Louis en remplissant son verre une seconde fois avant de passer la bouteille. Combien pensez-vous qu'ils me doivent à moi, là, en bloc? Monsieur Auriel n'avait décidément rien de mieux à faire que de battre en retraite. Il ne pouvait se décider à être mis au courant des embarras d'argent du squire. Il se retira donc sans avoir répondu un seul mot à son voisin. Eh bien, Auriel, vous vous en allez déjà? Que vous arrive-t-il? « Rien, je ne sais pas. Je crois que je vais sortir pour quelques minutes. »« Voyez ce que c'est que d'être amoureux, » dit à mi-voix le squire au docteur. « J'espère que vous ne l'êtes pas. » Sir Louis rapprocha sa chaise du cercle et se trouva assis près de Frank. M. Gatsby était vis-à-vis de lui et le docteur vis-à-vis de Frank. « Il me semble que le pasteur est un peu morose, » dit le baronnet. « Morose ?» répéta le squire d'un air étonné. « Oui, il a l'oreille un peu basse, malgré son bonheur. Il est passablement riche par lui-même, n'est-ce pas ?» Il y eut un moment de silence. Personne ne paraissait disposé à répondre à cette question. « Je veux dire qu'il a quelque chose indépendamment de son bénéfice. »« Oui, » dit Franck en riant, « il aura assez pour vivre de pain et de fromage quand les radicaux fermeront les églises, à moins qu'il ne ferme aussi les fonds publics. »« Oh, il n'y a rien comme une bonne terre, » dit Sir Louis, « n'est-ce pas, Squire ?» « Les terres constituent un très bon placement, certainement, » dit M. Gresham. « Le meilleur, » dit le baronnet, de plus en plus sous l'influence de ses copieuses libations. « Le meilleur, hein, Gatsby ?» M. Gatsby se redressa sur sa chaise et, tournant la tête, il regarda du côté de la fenêtre. « Ah, vous autres hommes de loi, vous n'aimez pas donner votre opinion sans déshonorer, oh, oh, oh, n'est-ce pas, M. Gresham ? Vous et moi, nous avons eu à payer quelques-uns de ces messieurs. » Et ils nous feront boursiller quelquefois encore. » Là-dessus, M. Gatsby se leva et prit le même chemin que M. Auriel. Il n'était pas, il est vrai, sur un pied aussi intime à Greshamsbury, mais il espérait que ces dames l'excuseraient en raison du supplice auquel il avait été condamné. On le vit bientôt des fenêtres de la salle à manger se promener avec M. Auriel et les deux demoiselles Gresham aînées. Patience se promenait plus loin avec les sœurs jumelles. Frank regarda son père avec un sourire presque malicieux, et il commençait à trouver qu'il pourrait aussi employer son temps plus agréablement dans les allées du jardin. Pensait-il à une certaine soirée d'été, lorsqu'il avait presque brisé le cœur de Mary, en se promenant d'un air trop aimable avec Patience Auriel? Pour peu que Sir Louis continuât la brillante série de ses succès, il ne tarderait pas à rester maître du terrain. Le squire, il est vrai, ne pouvait pas s'éclipser, et le docteur ne le pouvait guère davantage. Mais ils pouvaient également être vaincus en restant sur leur chaise. Pendant tout ce temps, les oreilles tintaient au pauvre docteur, on peut même dire qu'il frémissait de la tête aux pieds. Il était en quelque sorte responsable de cette inconvenance, mais que pouvait-il faire pour y mettre fin? Une idée lui vint tout à coup. La voiture avait été commandée pour 10 heures. Il pouvait la faire venir à l'instant. « Vous n'allez pas me quitter ?» lui dit le squire d'une voix terrifiée en le voyant se lever précipitamment. « Non, non, » dit le docteur, « je serai de retour dans quelques minutes. » Et il dit tout bas au squire pourquoi il sortait. Il lui donnait tout au monde pour mettre instantanément fin à cette scène, mais ce n'était pas un homme à déserter son ami. « Le docteur est un brave homme, » dit le baronnet quand son tuteur fut sorti de la chambre, « mais il n'est pas très musqué. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Frank. « Ne comprenez-vous pas ? Je veux dire que ce n'est pas un homme du monde. » C'est l'être le meilleur que j'ai jamais vu ou connu, dit le squire. Vous avez en lui un bien excellent ami, et moi aussi. Et le squire but en silence à la santé de son ami. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas des plus raffinés. Or ça, écoutez-moi, squire. Si cela vous est égal, mon père, dit Frank, j'ai quelque chose de très particulier. Cependant, si... Restez jusqu'à ce que Thorne revienne, Frank. Frank attendit le retour de son vieil ami et s'esquiva aussitôt. « Excusez-moi, docteur, lui dit-il, mais j'ai quelque chose de très particulier à dire. Je vous expliquerai cela demain. » Et son père resta seul avec le baronnet et le docteur. Sir Louis était presque arrivé à un état d'ivresse complète. Il savait à peine ce qu'il disait. Le squire avait déjà essayé de retenir la bouteille, mais le baronnet avait réussi à s'emparer d'un carafon de vin de Madère, et il n'y avait plus moyen pour le moment de l'arrêter. « À propos d'homme de loi, » continua-t-il, « voyons, que disions-nous ? Ah, squire, c'est justement cela. Ces individus nous saigneront, si nous n'y faisons pas attention. N'importe les hommes de loi en ce moment, » dit le docteur d'un ton irrité. « Mais cela m'importe, à moi. C'est très bien pour vous, docteur, qui n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas un gros enjeu dans l'affaire, vous ? Or ça, squire, quelle somme de mon argent pensez-vous que ces damnés docteurs aient entre leurs mains ?»« Ces damnés docteurs ?» répéta le squire d'un air effaré. « Homme de loi, je veux dire. Le bon sens. Or ça, Gresham, nous sommes entre nous maintenant. Je veux parier que vous êtes dans mes livres pour près de 100 000 livres sterling. »« Taisez-vous, » dit le docteur en se levant. « Me taire ?»« Sir Louis Scatcherd, » dit le squire en se levant lentement. « Nous parlerons affaire un autre jour, si vous voulez bien le permettre. Nous ferons peut-être mieux de rejoindre ces dames. » Cette proposition n'était certainement pas sincère de la part du squire, car Sir Louis n'était pas dans un état à se présenter devant des dames. Mais M. Gresham, n'en trouvant pas d'autres sur le moment, se servait de la formule habituelle pour lever la séance. « Oh, très bien, » dit le baronnet d'une voix avinée. « Je suis toujours prêt quand il s'agit de dames. » Il tendit la main vers le carafon. « Non, » dit le docteur avec autorité en éloignant le carafon. « Vous ne prendrez plus de vin. »« Qu'est-ce à dire ? » s'écria Sir Louis en riant d'un rire d'ivrogne. « Vous comprenez qu'il ne peut aller au salon, Monsieur Gresham, » dit le docteur. « Si vous voulez vous retirer, je resterai ici avec lui jusqu'à ce que la voiture arrive. Dites, je vous prie, de ma part, à Lady Arabella combien je suis fâché de ce qui est arrivé. » « Lady Arabella, qu'a-t-elle donc ?» demanda Sir Louis. Le squire ne voulut pas quitter son ami. Heureusement, la voiture ne se fit pas attendre longtemps. « Je suis si honteux, » dit le docteur, presque ému jusqu'aux larmes. « Ce n'est pas la première fois que je vois un homme ivre, » lui dit le squire en lui pressant affectueusement la main. « Ni moi non plus, mais... » L'émotion ne permit pas au docteur d'exprimer le reste de sa pensée.